Psaume 7. Si gageons de David, qu'il chanta à l'Éternel, touchant la fère de Chu, Benjamite. Éternel, mon Dieu, je me suis retiré vers toi, délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent, et garantis-moi, de peur qu'ils ne me déchirent comme un lion, me mettant en pièces, sans qu'il y ait personne qui me délivre. Éternel mon Dieu, si j'ai commis une telle action, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai récompensé de mal celui qui avait la paix avec moi, et si je n'ai pas garanti celui qui m'opprimait à tort. Que l'ennemi me poursuive, et qu'il m'atteigne, qu'il foule ma vie en terre, et qu'il loge ma gloire dans la poudre, c'est là. Lève-toi, ô Éternel, en ta colère, parais pour arrêter les fureurs de mes ennemis, et te réveille pour moi, tu as ordonné le droit. Que l'assemblée des peuples t'environne, et toi, tourne-toi vers elle en un lieu éminent. Que l'Éternel juge les peuples, fais-moi droit, ô Éternel, selon ma justice, et selon mon intégrité, qui est en moi. Que la malice des méchants prenne fin, et affermis le juste, toi, dis-je, qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui délivre ceux qui sont droits de cœur. Dieu fait droit au juste, et le Dieu fort s'irrite tous les jours contre les méchants. Si le méchant ne se convertit, Dieu aiguisera son épée, il a bandé son arc et l'a ajusté. Et il a préparé contre lui des armes mortelles, il mettra en œuvre ses flèches contre les ardents persécuteurs. Voici, le méchant travaille pour enfanter l'outrage, et il a conçu le travail, mais il enfantera une chose qui le trompera. Il a fait une fosse, il l'a creusée, mais il est tombé dans la fosse qu'il a faite. Son travail retournera sur sa tête, et sa violence lui descendra sur le sommet. Je célébrerai l'Éternel selon sa justice, et je psalmodierai le nom de l'Éternel souverain.